improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Rendez-vous dimanche 5 mars 13h au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Ligue BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la bande dessinée francophone de Québec et de CKRL. Information liquibd.com. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. Laisse passer l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Et bienvenue à l'émission Grain de sable, ici Jean Cloutier à l'animation et ouf, toute une journée, aujourd'hui toute une émission, l'émission Grain de sable, ah, c'est enfin ces deux chroniqueurs vedettes réunis ensemble. Dominique Bernier, re-bienvenue chez vous. Merci. Étienne Blondeau, on aura le temps de parler de ton sujet qui est quoi aujourd'hui? L'annulation des dettes du tiers-monde. L'annulation des dettes du tiers-monde, et ça c'est donc restez avec nous jusqu'à la fin d'émission, jusqu'à 15h, on parlera de ça juste avant. En deuxième demi-heure, on abordera la patente, n'est-ce pas? vous jouez quel rôle à la patente, Maxence? Directeur général, Frontemont, bonjour Jean. Bonjour, donc restez avec nous, on parlera de la patente et je crois que c'est officiellement ouvert maintenant. Là. Ça ouvre jeudi prochain. Jeudi prochain, donc on est le dernier samedi avant que ça rouvre. Préparez-vous à faire des rénovations, tiens, allez chercher vos outils, on en parle plus longuement. Merci Maxence d'être avec nous. Dominique, tu voulais absolument parler du même sujet qu'on avait prévu parler avec Claude Vaillancourt, ça donne bien, ça donne très bien. Oui, c'est le numéro de la revue Les Possibles d'Attaque France qui est sorti récemment. C'est une revue qui est faite par le conseil scientifique d'Attaque France qui est très documentée. En fait, ils ont la chance d'avoir des collaborateurs un peu partout dans le monde et qui proposent des analyses très, très étoffées sur différents sujets d'actualité. Et entre autres, dans le numéro actuel, ça parle de la droitisation du monde. Je trouvais que c'était un sujet qui était quand même très, très intéressant. Donc, ils nous offrent des analyses très poussées sur, entre autres, bon, bien sûr, l'élection de Donald Trump, ça va sans dire, mais aussi la montée de la droite un peu partout dans le monde, que ce soit dans plusieurs pays européens, notamment des pays de l'ex-Union soviétique, mais aussi l'Allemagne, étonnamment, et la Grande-Bretagne, la France. Et un texte que signe Claude Vaillancourt aussi sur le gouvernement Trudeau et comment tout n'est pas aussi rose que ça peut être perçu à l'international là, avec notre gouvernement libéral ici au Canada. Donc c'est un numéro en fait très intéressant qui propose vraiment des analyses très très poussées. Entre autres, il y a le texte de Nick Dearden qui est en fait de Global Justice Now, qui est l'équivalent britannique de Attaque. C'est un collaborateur qu'on a eu la chance de rencontrer en personne au Forum social mondial de Montréal l'été dernier. Et Nick Dearden propose un texte qui se penche sur le racisme post-Brexit. Et il nous explique un peu la dynamique qui a eu cours tout au long des négociations, des négociations de la campagne, en fait, du Brexit. Il explique qu'environ deux tiers des conservateurs étaient en faveur de la sortie de l'Union européenne. Mais aussi un tiers des progressistes, si on veut, des ou libéraux, des gens de gauche, étaient en faveur de la sortie. Donc, il y a quand même deux tiers des progressistes qui étaient en faveur de rester dans l'Union européenne et un tiers des conservateurs. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Nick Dearden nous explique, c'est que les gens qui voulaient sortir de l'Union européenne, notamment chez les conservateurs, c'était pas tant pour récupérer une indépendance économique face à Bruxelles, mais davantage une indépendance face aux politiques d'immigration. Donc, c'est vraiment à droite, comment ça s'articulait, c'était vraiment davantage axé sur les politiques migratoires, récupérer une souveraineté et empêcher, en fait, l'afflux de migrants en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne qui, comme on le sait, a été marquée depuis 30 ans étant un des pays pionniers du néolibéralisme sous Margaret Thatcher, a été marquée par les politiques de droite, politiques d'austérité depuis très, très longtemps, qui ont affaibli son filet social, qui ont détruit aussi une grande partie de son secteur industriel, en fait, manufacturier, si on veut. Donc, beaucoup de chômage, très peu de protection sociale en Grande-Bretagne. Bon, il en reste, bien sûr, mais disons, ils sont plus avancés que nous sur ce terrain-là. Donc, une bonne partie de la population se sent coincée, à juste titre, voit peu d'issue. Et la droite a récupéré ce sentiment de que les issues sont bouchées en mettant la faute sur les migrants, comme ça, c'est le cas ailleurs. Ici aussi, la droitisation se passe, n'est-ce pas? Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, vous avez commis un texte. Merci d'être de retour à Grain de Sable avec Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour. Dominique nous a bien parlé des textes qu'elle a lus. Et finalement, il y en a un qui est sous votre signature, Claude Vaillancourt, dans cette publication « Les possibles » d'hiver 2017 sur le thème un grand dossier, en fait, la droitisation des politiques. Eh bien, on a la chance de pouvoir lire un texte de vous où vous prenez le cas de Justin Trudeau. Oui, tout à fait. Oui, ben, en fait, ce que je dis par rapport à ça, c'est que ici, quand même, c'est assez particulier parce qu'on n'a pas de parti qui est ouvertement raciste, ça c'est très clair. On n'a aucun parti qui va revendiquer fièrement des politiques d'extrême droite. Bon, c'est vraiment quand même quelque chose qui est très positif, là. Je pense que faut être content de ça. Ça veut dire que le public ici au Québec et au Canada est pas tellement n'aime pas tellement ce genre de discours là, quoique aussi on n'a pas tellement de mérite parce qu'on n'a pas de système proportionnel. Ça veut dire que les groupes marginaux peuvent plus difficilement trouver un parti pour les représenter, puis ainsi avancer là, disons, dans auprès de l'électorat. Donc quand même, nous, c'est un cas assez particulier, mais même à ça, on a quand même une droitisation ici au Canada, parce que dans le fond, les gouvernements qui sont élus vont à peu près tous appliquer des politiques néolibérales, et le gouvernement Trudeau, bien sûr, y compris. Mais Trudeau, justement, lorsqu'il ose prétendre, par exemple, que l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne, on dit en Europe le CETA, mais nous, on est un peu francophones, on dit la ECG, l'accord économique commercial global, c'est un accord progressiste pour renforcer la classe moyenne. Ça, c'est Trudeau qui dit ça. C'est un mensonge, ça. En fait, c'est toute la propagande canadienne. Oui, c'est un mensonge, parce que d'abord, c'est pas progressif. Pour que ça soit progressiste, il faudrait qu'il y ait des mesures sociales dans l'accord. Il n'y en a aucune. Non seulement il n'y a pas de mesures sociales, mais les entreprises peuvent bloquer ou empêcher des mesures sociales en ayant recours, par exemple, au tribunal d'arbitrage là, qui se trouve dans cet accord-là. Aussi, des mesures progressistes, c'est vraiment s'occuper de l'environnement. C'est la même chose. Hein? Les entreprises ont quand même le pouvoir de bloquer des mesures environnementales. Donc, c'est vraiment absolument pas progressiste et c'est certainement pas pour la classe moyenne non plus, puisque c'est vraiment un accord qui est fait pour les grandes entreprises. Or, les intérêts dans les grandes entreprises, c'est pas toujours ceux de la classe moyenne. Donc, c'est vraiment de la pure propagande et je pense qu'on peut être déçu là que Trudeau répète cette phrase-là tellement souvent et finalement, c'est assez étonnant, quoi. Et en plus, si outre les accords de libre-échange, on constate les grands projets du gouvernement Trudeau soutenus par des entreprises privées vont se faire supposément en partenariat public-privé. Comment réagit l'opposition? Est-ce qu'on laisse aller les libéraux comme ça majoritaires? Oui, bien ça, premièrement, c'est faut se rappeler une promesse. Le gouvernement de Trudeau a été élu sur le fait qu'il réinvestirait dans les infrastructures. Et là, tout le monde était content parce qu'après des années d'austérité, on se disait, bon, enfin, on va souffler, enfin, on va avoir un gouvernement qui va investir. Puis le fait d'investir dans les infrastructures, dans l'économie, ben ça relance l'économie. Donc, c'est une mesure keynésienne, là, et qui était attendue depuis longtemps. Donc, oui, on avait toutes les raisons de se réjouir de ça, mais une fois qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous dit? dit? Ben, il nous dit qu'il va aller chercher cet argent-là des investisseurs privés et même, il va privilégier des investisseurs étrangers. Hein? Alors ça, ça veut dire que c'est par des projets de partenariat public-privé, des investisseurs étrangers vont pouvoir faire ce qu'on attendait finalement du gouvernement canadien. Ça, c'est très inquiétant et dans l'opposition, mais il y a le NPD qui a réagi à ça. Ils ont dit, écoutez, ça n'a pas trop de bon sens finalement que finalement les routes, les écoles, tout ce qui relève de ces investissements, ben, soit finalement aux mains des étrangers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inquiétant. Et la raison pour laquelle, évidemment, Trudeau veut avoir recours à des investisseurs étrangers, c'est qu'il veut pas que ça paraisse au niveau du budget. Hein. Quand c'est des étrangers, ben ça, c'est plus le gouvernement qui emprunte. Donc, à ce moment-là, ça, le déficit est moins grand. Mais à la longue, ça coûte plus cher parce que c'est tout ce qui est fait par des entreprises privées, ben c'est des profits qu'ils doivent réaliser. Et souvent aussi, dans le cas d'un PPP, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, c'est sûr que ça va nous coûter plus cher en bout de ligne. Mais enfin, ça paraît peut-être mieux là dans lorsqu'il est temps de présenter le budget à la population. C'est encore la classe moyenne qui paye, Dominique. Oui, mais en fait, moi, je pense que quand même, la droite est très, très présente au Canada. Puis les politiques néolibérales que Justin Trudeau poursuit comme ses prédécesseurs ne font qu'alimenter encore davantage, justement, le mécontentement de la population. Et je pense qu'on pourrait avoir des surprises à court ou moyen terme, notamment avec le Parti conservateur du Canada qui est en... Comme on peut voir dans sa course à la chefferie actuellement, c'est très inquiétant parce que plusieurs des candidats souhaitent reprendre les politiques de Donald Trump. On a peut-être un futur Donald Trump. Des politiques identitaires. Ben, on pense à Kelly Leach notamment, mais d'autres aussi. Donc, cette droite-là identitaire au niveau canadien n'est pas si loin que ça de nous. Et à moyen ou même à court terme, ça pourrait être assez dangereux, je pense. Oui, c'est vrai qu'avec Trump aussi, on a des nouveaux standards. On se rend compte que finalement, on peut se faire élire avec ça. Donc, ça devient tentant pour des conservateurs de suivre la modèle. Et on sait à quel point les Américains ont toujours affaire des modèles qui vont inspirer en bien ou en mal ici. Donc, c'est clair que pour le Parti conservateur, effectivement, ça devient ce qu'il faut suivre maintenant. Et ça a donné des résultats. Regardez, Trump du tout pouvoir. Bon. Oui. On n'est pas immunisé contre ça, mais comment s'exprime la droitisation, comme on le dit si bien dans ces articles? Ici même au Québec, là, depuis le printemps érable de 2012, il y a quand même eu des choses qui ont changé. Il y a le mouvement, la jeunesse, elle me semble pas tellement à droite. Hein? Oui, mais la droitisation, on l'a vu très bien avec le gouvernement Couillard, c'est-à-dire les mesures d'austérité, c'est ça. Ce sont des mesures très à droite, il faut dire. Et c'est aussi, il ne faut pas oublier que ça aussi, ça se base sur une espèce de mensonge. Genre, c'est le fait que la dette soit des dimensions catastrophiques et là, on n'a pas le choix. Il faut absolument couper dans les dépenses, comme si on ne pouvait pas aussi aller en chercher des dépenses. Donc, c'est vraiment une façon de concevoir les choses qui est typique de la droite, un moyen qui est typique de la droite, et ça a des conséquences, c'est-à-dire que c'est tout le filet social qui est diminué, c'est les services publics qui sont affectés, c'est les services à la population, donc c'est assez catastrophique. Mais ce qui est bien, c'est qu'au Québec, ça passe pas. Hein. C'est très clair que les réactions étaient très fortes. Les réactions, par exemple, on pense en éducation, là, toutes les chaînes autour des écoles. Quand même, il y a eu un mouvement syndical assez intéressant dans les négos du secteur public l'année dernière, et aussi une baisse du parti dans les sondages. Donc, quand même, on se rend compte que c'est ça le problème. C'est une caractéristique du Québec. Tous les partis qui sont fait élire ont voulu appliquer des mesures d'austérité et à chaque fois, il y a comme une réaction de la population qui nous dit, c'est notre modèle, c'est un modèle québécois. Puis lorsqu'on attaque de front ce modèle-là, ben, il y a une réaction très forte. Alors donc, c'est une espèce d'aller-retour là, constant qui fait que, malgré tout, je pense qu'au Québec, la situation est moins pire qu'ailleurs. Hein. Quand on dit le dossier est possible, on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça nous donne des frissons. Ici, on réussit quand même à le protéger, ce modèle-là, même s'il est constamment toujours attaqué. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, quand le parti est au pouvoir, c'est d'appliquer toujours des nouvelles politiques d'austérité. Je pense que le Parti libéral de Couillard est allé le plus loin de tous les partis jusqu'à maintenant. Imaginons juste une minute que Manon Massé ait perdu sa circonscription électorale et que ça soit devenu teint du rouge avec Westmount. Enfin, on a vu, le résultat est quand même imprévisible, mais c'est imprévisible, mais ça s'est produit. Maintenant, Massé, qu'on pourrait dire une candidate pas du tout à droite et qui gauchise un peu notre Assemblée nationale, oui. Heureusement. Imaginez-vous qu'elle aurait été éliminée là, par une opération de carte électorale quelconque. Ça aurait fait une droitisation concrète. Et Dominique, tu voulais intervenir? Ben, en fait, oui, il y a un élément que je trouve intéressant puis qui ressort dans plusieurs textes du numéro « Les possibles », entre autres celui de Claude Calame. En fait, ce qui se passe, c'est que avec les politiques néolibérales qui ont été mises en place, bon, on le voit, il y a un affaiblissement économique, un affaiblissement du pouvoir d'achat de la classe moyenne en particulier, qui fait en sorte qu'il y a un mécontentement au sein de la population. Puis, la droite identitaire répond à ces préoccupations économiques-là en voulant fermer davantage les frontières, là, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. C'est un peu la même chose, l'idée de Trump là, de réimposer des tarifs douaniers pour stimuler l'économie, les commerçants locaux, en fait, pour faire en sorte que... On sait que c'est, bon, très peu applicable actuellement parce que beaucoup des pièces qui sont utilisées pour la fabrication des différents biens et services aux États-Unis doivent être importées. Donc, ça viendrait affaiblir même l'économie du pays. Sauf qu'en fait, il y a comme un pendant, en fait, l'idée, c'est de revenir à une économie davantage impérialiste, en fait, une économie qui exporte, mais qui n'importe pas, qui va développer les autres secteurs, qui va conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux territoires, sans elle-même se faire envahir. Donc, c'est un peu le pendant économique du caractère identitaire de ces politiques-là qui veut fermer les frontières à l'arrivée des migrants, mais qui s'empêchera pas d'aller intervenir dans leur propre dans la géopolitique de ces pays-là. Donc, je trouve intéressant le parallèle qui est fait entre les visions économiques et identitaires. Effectivement, merci Daniel. Excuse-moi, Dominique Bernier. Tu viens pas assez souvent, là, je te mélange. Claude Veillancourt, avant qu'on aborde la revue À bâbord, je voulais juste être sûr que vous, comme signataire de texte dans ce dossier, il est possible. Est-ce que ça se fait souvent, ça, ce genre de dossier en collaboration avec Attaque France? Oui, quand même. C'est la troisième fois, en fait, que je participe à la revue des possibles. Le dernier article que j'avais écrit avant celui-là, c'était un article sur le Forum social mondial qui avait lieu à Montréal. Ah oui, bon, donc ouais. On est en relation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ces signataires de textes qui sont venus à Montréal, non? Oui, il y en a quelques-uns. En fait, pas beaucoup, mais... il y a, en fait, quand je regarde la liste, il y a Nick Dearden, effectivement, qui était là. Dominique en a parlé au début. Et c'est tout. Les autres n'étaient pas là au Forum social, mais il y en a avec qui on a des liens quand même assez réguliers. Là. Dominique Plion, par exemple, qui a traduit le texte, oui. Nick Dearden et Jean-Marie Arribé aussi, qui est déjà venu ici à Montréal, qu'on avait invité pour une conférence. Oui, puis on est en relation avec ces gens-là, on apprécie leurs textes. D'ailleurs, on vous suggère de non seulement de suivre les activités d'Attaque Québec sur le site d'Attaque Québec, mais de fréquenter aussi les sites d'Attaque France. Et celui en Angleterre, Dominique, Nick Reardon, c'est un peu un équivalent, mais ça porte pas le même nom en Angleterre. Hein? Non, c'est Global Justice Now, c'est l'équivalent. C'est sûr que bon, l'acronyme ATTAC se traduit pas nécessairement très bien. Donc c'est un autre nom, mais c'est même genre d'action. Oui. Là, ils font partie du réseau ATTAC. Leurs écrits sur le Brexit nous donnent un aperçu de ce qui pourrait arriver en France ou ailleurs. Ben, en fait, sur le Brexit, ce qui était intéressant aussi, c'est de penser qu'il y a quand même le tiers des progressistes qui étaient en faveur du Brexit pour de toute autre raison que les conservateurs étaient en faveur du Brexit, parce qu'on sait que l'Union européenne a été, la zone euro a été fondée en fait sur des politiques néolibérales. C'est intrinsèque à la création de l'Union européenne. Donc certains progressistes britanniques voyaient là une belle occasion de sortir de cette zone de libre-échange, parce que c'en est une, en fait, et de réinventer un peu l'Europe sur des bases plus socialistes, plus progressistes. Donc, il y avait quand même un intérêt du côté des progressistes, mais par contre, s'allier avec des conservateurs identitaires, là, ça devient vraiment presque politiquement indéfendable. Même en se pinçant le nez, on peut pas penser que des progressistes voudraient s'allier à ce genre de politique-là. Donc, c'est ce qui fait que le camp du le camp du oui, si on veut, chez les progressistes, n'a pas trop levé parce que ça devenait très facile d'être amalgamé à des racistes. Puis il y a le facteur irlandais, écossais aussi qui mélange un peu toute cette sauce inodore, incolore. C'est ça. Donc, c'est une situation, en fait, qui est beaucoup plus complexe que... qu'elle n'y paraît, là. Oui, puis aussi, Nick Dearden m'a dit que l'Europe donne énormément de subventions pour la recherche et pour l'éducation. Alors, ça faisait quand même peur de voir que c'était des néolibéraux très radicaux qui défendaient le oui. Alors, ça veut dire que pour eux, c'était clair que c'est... le Brexit. Le oui du non. Donc, oui, c'est ça. En fait, donc, pour eux, c'était très inquiétant parce qu'ils sentaient qu'ils seraient privés de quelque chose qui est absolument essentiel, des subventions à la recherche et pour l'éducation, et qu'il n'y aurait pas de remplacement de ça. Donc, il y avait peur aussi d'une espèce de chute, là, de valeurs qu'ils considéraient essentielles. Alors, c'est pour ça aussi que certains de la gauche ont appuyé le maintien dans l'Union européenne. Claude Daillancourt, président d'Attaque Québec, il y a aussi d'autres choses importantes auxquelles vous avez fait référence dans ces textes. Les fameuses banques et les paradis fiscaux au Canada, c'est un exemple à suivre, ça? Oui, oui, tout à fait. En fait, ça ramène à mon article là, que j'ai écrit dans la revue à Babar sur Trudeau. En fait, c'est très inquiétant, le lien de ce gouvernement-là, des libéraux et des banques, hein, parce que il y a eu deux choses qui permettent de sonner l'alarme. Premièrement, c'est le Bloc québécois qui avait fait une motion qui avait plein de bon sens, qui demandait de retirer la clause de la double imposition avec l'accord avec la Barbade. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que quelqu'un qui paye de l'impôt à la Barbade, quand il ramène son argent, il n'a pas besoin d'en repayer ici parce qu'il a déjà payé à Barbade. Mais le problème, c'est qu'en Barbade, les sommes, c'est presque rien. Donc, le Bloc québécois avait demandé, écoutez, on va enlever ça là parce que ça n'a pas trop de bon sens. Et les libéraux, ils ont voté contre ça. Hein? Et il y a une autre chose aussi très inquiétante, c'est ce qui mettait les banques canadiennes à l'abri de la loi sur la protection du consommateur. Ça avait fait des manchettes. Oui, on entend parler. Mais ils ont essayé de glisser ça dans une espèce de loi mammouth avec l'espoir que personne ne verrait. Ben, c'est à donner que quelqu'un l'a vu. Et c'est encore une fois le Bloc québécois qui a fait une bonne vigilance là-dessus. Et même Philippe Couillard a été obligé de dire que ça n'avait pas de bon sens. Et ça, ce que ça révèle, c'est une grande proximité entre ce gouvernement-là qui est vraiment au service des banques. Pourquoi ils ont voté contre cette motion sur les paradis fiscaux? C'est parce que les banques voulaient maintenir ça. Pourquoi? Ça s'est retrouvé dans une loi mammouth, ben parce que justement c'est encore une chose qui faisait l'affaire des banques. Alors et Trudeau s'est très mal justifié là-dessus. Là. Il y a aucune raison de défendre ça. Donc ça c'est un autre aspect qui est très inquiétant de ce gouvernement-là. On sa proximité avec Bay Street, hein, quand il s'est fait élire, quand les libéraux sont fait élire, on sentait quand même que le Parti libéral, c'est toujours ça. Ça a toujours été appuyé par l'élite économique de Toronto. Oui. Et là, il faut leur rendre service. C'est ce que le gouvernement fait. Sur la rue Bay Street, il n'y a pas beaucoup de maisons de classe moyenne ni d'appartements à loyer modique. Non, en fait, c'est le Wall Street canadien. C'est là que Jean Chrétien, avant de devenir premier ministre du Canada, est allé travailler dans un grand bureau d'avocat pour préparer sa direction du dominion du Canada, ce pays créé pour les banquiers, les grands hommes d'affaires, pour empêcher le libre-échange avec les États-Unis dans le temps. Je pense que c'est un des premiers discours de Trump qui mentionnait qu'il voulait remettre en cause les ententes de libre-échange, que ça avait été mal négocié, puis il semblait vraiment critiquer le libre-échange, alors que, dans le fond, le Canada, à l'époque, en 1867, et on vous souhaite bonjour et joyeux Canada 150e, ça a été créé, ce pays-là, pour unir les colonies britanniques, pour faire essayer du libre-échange entre les colonies britanniques avant que le Québec, la province of Québec, en fasse avec Boston, alors que c'était naturel de faire du libre-échange avec Boston, mais on a créé ce pays artificiel, puis on y a mis un chemin de fer pour être sûr que ça soit plus facile de communiquer d'est en ouest, mais ça allait contre nature, en tout cas. J'avais le goût de dire ça. Mais Trump, en fait, l'élection, sa vision sur l'ALENA, ce qu'il faut comprendre, c'est que il souhaite, dans le fond, faire en sorte que les Américains soient les grands gagnants. Il agit en politique étrangère comme il agit en affaires. Donc c'est un, tu sais, c'est un bully, c'est un intimidateur. C'est une personne qui essaie de gagner au détriment des autres, qui a pas de problème à flouer les autres, à mentir, à tricher pour arriver à ses fins. En affaires, ça c'est assez connu, en fait, que ses procédés sont douteux parfois là, pour arriver à ses fins. Et il veut un peu faire la même chose dans la renégociation de l'ALENA. Donc, c'est difficile de voir ça comme une bonne chose pour nous au Canada ou pour les Mexicains, en fait, parce que si c'est vrai que ça affaiblit le secteur manufacturier aux États-Unis, l'ALENA, on peut penser que les grands perdants de l'ALENA, ce sont les Mexicains quand même, là, encore plus que nous. Nous, on a été perdants d'une certaine manière au Canada parce qu'on est le pays qui a subi le plus de poursuites de la part de multinationales en vertu du chapitre 11, donc qui permet aux investisseurs de... Et qui le permet encore. Qui permet toujours aux investisseurs de poursuivre les États. Mais tout de même, cette renégociation de l'ALENA, ça se fera pas de manière à nous aider. Ça va se faire de manière à aider un peu les capitalistes américains, c'est-à-dire les gens qui ont des grandes entreprises états-uniennes qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc, il veut favoriser ces grandes entreprises états-uniennes-là au détriment de grandes entreprises plus multinationales qui auraient leur siège social ailleurs. Et c'est une vision beaucoup plus, et le texte de Claude Calam le montre assez bien, c'est une vision beaucoup plus à la pièce, c'est-à-dire alors que les néolibéraux, alors que l'école de Chicago, les accords de Bretton Woods, tout ça visait davantage un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire vraiment une nouvelle façon de réguler les échanges internationaux et d'assurer en fait une mainmise à une certaine élite. La vision trumpienne, si on veut, ou en tout cas de ceux qui le... Un nouveau désordre économique. Oui, c'est plus un désordre. En fait, c'est beaucoup plus à la pièce. C'est de favoriser certaines entreprises particulières, individuelles, qui s'adonnent à être américaines au détriment des autres. Mais il semble pas, du moins, y avoir de vision coordonnée des choses. Ouais. C'est davantage... Très bilatéral et non pas multilatéral. C'est ça, aussi. C'est davantage libertarien comme vision plutôt que néolibéral. Hein, c'est beaucoup plus axé sur l'individu. Tout un monde. Ouais. Parlant de libertarien, il y en a qui ne sont pas en liberté. Claude Vaillancourt, ce dernier numéro d'Ababar, d'ailleurs, je vais faire une confidence. Là. J'ai essayé de l'acheter, je ne l'ai pas trouvé. À la place où je l'achète d'habitude, il ne l'avait pas reçu. En tout cas, normalement, ça va aller à vendredi prochain, mais je veux absolument que vous nous parliez de votre texte sur les prisons. Ce ne sont pas en si bon état que ça, nos prisons. Non, moi, je n'ai pas écrit dans ce dossier-là. Pour ça que je l'ai pas entre les mains. Je parle un peu à travers mon chapeau. Ouais. OK, bien, en fait, il faudrait vérifier si la revue est disponible à Québec. Si ce n'est pas le cas, là, on va faire des démarches, que ce soit là. Non, on a pensé, effectivement, faire un dossier sur les prisons parce que on considérait que ce sujet-là, c'est un sujet un peu tabou. Hein? On dit, finalement, quelqu'un qui se retrouve en prison, bien, c'est tout simplement qu'il l'a mérité. Et puis, bon, tant pis. Hein? Alors, donc, la réalité, c'est que c'est quand même des humains qui sont derrière là. La réalité, c'est souvent que les plus grands criminels, eux, ne s'y retrouvent pas en prison. Enfin, ici au Canada, on est particulièrement tolérant envers les criminels financiers qui vont pas très souvent, je pense qu'il faut le dire. C'est souvent des gens qui viennent des classes les plus défavorisées. Et là, la prison souvent a aussi tendance à mener à la prison. Hein, c'est une école du crime. Moi, j'ai travaillé dans les prisons. J'étais enseignant, c'est mon premier emploi comme enseignant, et je l'ai vu. La prison, école du crime, là, j'ai entendu des gens qui s'échangent toutes sortes d'informations, puis de voir à quel point, quand ils sortent, ben ils ont le goût de refaire la même chose, mais sans se faire prendre cette fois-là. Donc, il y a vraiment des questions à se poser sur les questions, sur les prisons, par contre. Il y a même un article qui est assez, bon, certaines personnes vont le qualifier peut-être d'un peu idéalisme et qui se pose la question sur la nécessité des prisons. Il y a un article qui est très intéressant, que je vous recommande, de Philippe de Grosbois sur la privatisation des prisons aux États-Unis. Hein. Vous savez que c'est une affaire de gros sous. On a donc intérêt à avoir plus de prisonniers pour faire plus de prisons parce que ça rapporte plus d'argent. Comme au cégep, c'est la tête de pipe. On est subventionné à la tête de pipe. Oui, c'est à peu près ça. C'est ça, exactement. Alors, évidemment, qui se retrouve dans les prisons, c'est c'est souvent les plus pauvres. Donc, les Noirs aussi sont très fortement majoritaires aux États-Unis. C'est des prisons-usines aussi. Oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, en plus, on les fait travailler. Oui, on les fait travailler en bas du salaire minimum, ça, c'est clair. Ça. Il y a deux articles aussi sur les Autochtones aussi, la prison des Autochtones. Ça, c'est oui. Eux aussi. Ils occupent une place complètement disproportionnée dans les prisons. Donc, voilà, c'est des questions qu'on se pose. Oui. Et je pense que le numéro fait très bien le tour de la question. La question des droits aussi est abordée dans un article d'un excellent auteur qui s'appelle Lucie Le Monde. Donc, voilà, je pense que c'est un numéro... Ici, à CKRL, il y avait une émission qui était réalisée en prison. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui. Ça se fait peut-être encore avec Mohamed. Là, Mohamed Lafti, les souverains anonymes. Oui, les souverains anonymes. Oui, c'est ça, les souverains anonymes. Oui, c'est une excellente émission. Effectivement. Oui. Je ne sais pas si ça a encore lieu. Là. J'espère. Donc, en tout cas, je vais regarder la programmation. Je vais en reparler aux auditeurs. Mais il me semble que c'était... En tout cas, au lieu de dire des balivernes, je vais vérifier. Mais il me semble que c'est des ententes qu'on a sur long terme. En tout cas, ce n'est pas assez KRL. C'est disponible sur d'autres stations de radio où on peut certainement trouver des archives de ces émissions qui étaient produite en dedans, comme on dit. Mm-hmm. Claude Vaillancourt, je sais que vous avez des engagements, mais avant que vous nous quittiez, j'aimerais quand même parler au président d'Attaque Québec, au président du conseil d'administration d'Attaque Québec. Avez-vous des projets prochainement, des manifestations ou des choses à partager avec nos auditeurs? Oui, tout à fait. Ce à quoi on veut s'attaquer, là, c'est vraiment la question des paradis fiscaux. C'est vraiment une question dont on a beaucoup parlé. Vous avez entendu peut-être le reportage d'enquête là-dessus. Il y a une commission aussi pour le gouvernement libéral qui, sur les paradis fiscaux, devrait sortir son rapport bientôt. Il y a aussi toute l'inaction dont je vous ai parlé du gouvernement Trudeau. Donc, il est temps de faire pression plus que jamais. Donc, c'est la semaine du 3 avril. C'est une semaine d'action internationale sur les paradis fiscaux qui a été décidée. C'est quelque chose qui a été décidé au dernier forum social mondial qui a eu lieu à Montréal. Alors, on s'est dit, c'est important. On fait ça, pourquoi le 3 avril? Parce que c'est la sortie des fameux Panama Papers, là, qui a montré l'ampleur là, de l'évasion fiscale, de l'évitement fiscal à l'échelle internationale. Alors là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors donc, dans plusieurs pays... Il va y avoir des actions pendant cette semaine-là. Et ici, nous, ça va se passer principalement à Montréal. Il va y avoir, dans le Vieux-Montréal, un événement un peu festif et familial sur les paradis fiscaux. On va aller aussi manifester le lundi 3 avril devant le bureau de Justin Trudeau qui est à Montréal pour lui donner justement des documents sur les paradis fiscaux pour lui demander d'agir. Évidemment, il sera pas là, mais enfin, je pense que ça va faire pression. Et le soir, il va y avoir un spectacle sur les paradis fiscaux. Ça s'appelle le Front comique contre les paradis fiscaux avec des humoristes comme Fred Dubé. Et il va y avoir aussi quelques discours qui sont plus d'explications. Alain Deneau devrait être là. Je pense que les auditeurs le connaissent. Alors, c'est à peu près tout ce qu'il va y avoir là. Et peut-être, je ne sais pas, à Québec, il y a des gens qui vont se mobiliser aussi pour organiser quelque chose. Oui, Dominique, Étienne Bondeau. C'est ça. Qui sont actifs ici à TAC Québec. On va essayer de faire ça. D'ailleurs, ici à Québec, à CKRL, il n'y aura pas d'émission Grain de sable, c'est malheureux. On aurait pu essayer de faire quelque chose en direct, mais ça sera le Radioton. Alors, donc, c'est déjà le temps de faire des dons pré-Radioton à CKRL. Allez sur le site ckrl.qc.ca. Vous pourrez faire donc le Radioton le 31 mars, 1er et 2 avril. Il n'y aura pas d'émission Grain de sable. Mais écoutez, Claude Vaillancourt, pour le Salon du livre, qui est l'émission d'après, on essaiera d'avoir Alain Deneau, comme on l'a vu l'année passée. Mm-hmm. On avait une bonne demi-heure avec lui. Et déjà, il y a une interview qui est faite avec Hervé Kempf, qui il sera pas présent malheureusement au Salon du livre de Québec le 8 avril, mais on l'aura, nous, en émission. On a déjà enregistré une interview avec lui sur son dernier livre Pour que tout empire, quelque chose comme ça, en tout cas, je vais vous donner le titre exact, et on parle pendant une grosse demi-heure avec Hervé Kempf, et je pense que vous allez aimer l'interview qui nous parle de la situation en France, bien sûr, mais il y a une vision anticapitaliste qui est très intéressante, je pense, qui va très bien avec les écrits qu'on trouve dans la revue À bas bord et dans ce dossier Les possibles. Merci beaucoup, Claude Vaillancourt, d'avoir été avec nous. Ben, c'est moi qui te remercie. À la prochaine. Et oui, à bientôt. Prenez soin de nous. Puis est-ce qu'il y a d'autres écrits là, de vous? Parce que vous êtes quand même l'auteur de certains livres très intéressants. Avez-vous sur quoi vous planchez à l'heure actuelle? Ah, actuellement, sur un roman. Donc, voilà. Ben voilà. Bon, alors, j'espère qu'il y aura un petit peu de sociopolitique là-dedans. Là. Oui, et ça se passe à Québec, en partie. Ben voyons donc. Hey, ben là, il va falloir venir en studio nous raconter ça. On va prendre une grosse heure avec ça. Et ça, c'est pour le Salon du Livre de Montréal en décembre? Ou, Non, ce sera pas. Ce sera en fait dans un an à peu près. OK, ouais, c'est vrai que c'est toujours des délais. Là, dans tout ça. Oui, c'est toujours long dans le domaine du roman. Ben merci beaucoup, Claude Léancourt, président d'Atta Québec, d'avoir été avec nous. Et merci d'avoir retardé vos obligations pour nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous vulgariser pour nous ces grands dossiers importants pour l'émission Grain de sable. Oui, au revoir. Merci. Restez avec nous. Nous aurons encore Dominique Bernier et surtout Étienne Blondeau qui va nous parler de quoi, donc, Étienne? L'annulation des dettes du tiers-monde. Bon, ça, c'est un sujet important. Tu vas sûrement nous parler des Cubains, toi, comme étant un exemple, peut-être. Je pensais à Haïti. Oh oui. On salue d'ailleurs M. René Préval, leur président, qui avait tenté de faire une bonne job, mais qui est décédé cette semaine. Et Maxence Joseph, c'est bien ça, directeur général de La Patente. Eh bien, on est avec vous dès après ces pauses commerciales. CKRL 89.1. À quoi tu penses? Radio de ton enfant. Notre objectif. Et c'est bien vrai. $42,000. Donner. C'est ce qui compte. La fin de semaine du 31 mars. Ici Agnès Maltais, députée de Taschereau. Le 8 mars, Journée internationale des femmes, est une occasion de célébrer l'avancement du Québec en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. L'année 2016 nous a clairement démontré que cette égalité qu'on croyait acquise est toujours fragile. Un monde entièrement égalitaire reste à bâtir. Faisons partie du mouvement de changement. Bon 8 mars, bonne Journée internationale des femmes. Le Cœur à lire vous invite à ses activités spéciales. Le mercredi 1er mars de 13h30 à 15h30, le café spécial Jeux interactifs. Le mercredi 15 mars de 13h30 à 15h30, participez à un partage de lecture. Et dimanche, le 26 mars de 13h30 à 17h30, le Cœur à lire vous invite à un atelier de musique traditionnelle québécoise et internationale pour toutes les personnes immigrantes et d'origine québécoise au centre multiservice Le Complice de Charlebourg. Le café Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, 177 71e rue Est à Charlebourg, 418-841-1042. Lecœuralire.com. En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg. Merci, vous êtes de retour à l'émission Grain de sable, ici Jean Cloutier à l'animation, et j'ai toujours en studio, c'est le fun d'avoir un studio plein comme ça, tout éclairé, Dominique Bernier, Étienne Blondeau et Maxence Joseph, qu'on présente notre chroniqueur à la patente. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la patente? En hiver, la patente, des patentes en fait, des objets concrets, puis des projets qui sont réalisés. Là. D'ailleurs, pour donner un exemple, sur la rue Saint-Jean, en face de l'église, il y a trois bancs actuellement qui sont en place, qui ont été réalisés justement par des étudiants en architecture, le collectif Le Malcommode, pour la ville de Québec, puis tout ça à la patente. OK. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que vous allez avoir pignon sur rue à partir de jeudi prochain. Bah, en fait, à partir de jeudi prochain, on lance le nouveau service dont j'étais déjà venu parler ici un peu, la bibliothèque d'outils. Donc, il y a un endroit où les gens pourront emprunter des objets, des outils, au lieu de les louer ou de les acheter. Donc, quand je parle d'outils, bien sûr, je parle d'une scie à onglet, d'un marteau, d'un rouleau à peinture, mais aussi des objets du quotidien qui sont peu utilisés dans l'année, puis qui peuvent être mis en commun et partagés. Donc, des tentes, des ensembles à fondue ou à raclette, des choses qui dorment dans les placards puis qui ont été partagées. Il y a eu une semaine de dons ainsi qu'une campagne de sous-financement où on a récupéré $10,000. Puis c'est ça, jeudi on fête le lancement, on fête l'ouverture de la bibliothèque aux citoyens de Québec. Puis c'est à quel endroit là si je veux me rendre à partir d'ici? À partir d'ici, 2 minutes et demie, c'est au 507 rue des Sables, le long de la rivière Saint-Charles. Rue des Sables, oui. Ça me dit rien. C'est de ce côté-ci, là, quand nous, à CKRL, on est au coin de la 3e avenue et la 4e rue. Oui. Alors, si on marche vers la rivière, donc vers le pont... Vers Saint-Roch, oui. On est au coin entre la 6e avenue puis la rue des Sables. Donc, vraiment le long de la rivière Saint-Charles. OK, vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, à part ce que vous venez de mentionner? je venais vraiment pour l'inauguration. On a donc acheté l'ensemble des outils dont on avait besoin, donc souffleuse, etc. Mais aussi, on s'est rendu compte que des gens voulaient des choses un peu plus non conventionnelles. Par exemple, un cric pour un cric automobile pour changer une roue. Puis c'est pas mal ça en fait. Je venais vraiment vous inviter à venir à l'inauguration. C'est un service pour vous. Puis je pense que ça va être le fun. Ok. Et en fait, vous parliez de plat fondu qu'on peut emprunter. Ensemble à fondu. C'est pas juste des outils. Là. On peut vraiment aller là puis être surpris de tout ce qu'on retrouve et tout ça. Quand nous on le rapporte, faut qu'il soit propre. Il y a une certaine inspection qui est. Oui, exactement. Exactement. Dans le fond, on l'inspecte au retour puis lorsqu'on le prête. L'objectif est vraiment d'avoir toujours des choses en bon état. C'est pour ça qu'il y a des frais d'abonnement qui viennent avec. Il y a un 60$ qui permet 60$? De... Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres frais reliés à ça? Non, c'est un 60$ pour l'année. Pour l'année. Et est-ce que c'est comme à la bibliothèque ici? Là, moi, j'ai un livre en retard, là, je suis rendu à 60 cents. Oui, c'est exactement comme à la bibliothèque. Ça. Il y a des frais de retard justement pour éviter que les gens empruntent puis ne retournent jamais leur livre, en fait, leur objet dans ce cas-ci. Puis donc il y a des frais de retard, puis il y a des frais de bris aussi automatiquement. Ah oui, comment c'est déterminé? Dans le fond, on a un technicien pour déterminer l'usure normale d'un objet. Puis bien sûr, nous, dans le logiciel de prêt, on est capable de retenir chacun des objets. Lorsque on l'a dans la bibliothèque, les dons par exemple, on les a rentrés comme étant déjà usés, puis ceux qui sont neufs vont tranquillement se dégrader. On va pouvoir les renouveler au fur et à mesure. OK, comme une sorte d'amortissement. Dominique, t'as une question? Ben, moi, je trouve ça super intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais hâte que la patente se dote d'une bibliothèque d'outils parce que c'est un concept qui existe déjà à Montréal, ouais. Entre autres. Sur le plateau, j'ai vu ça, ouais. C'est très, très apprécié. En fait, quiconque a déjà fait des rénovations ou des menus travaux dans sa maison, son logement. La peinture. Sait que ça monte très vite. Quand on se met à louer des outils, là, le coût monte très vite. Donc, 60$ pour un an, je trouve que c'est vraiment pas cher, étant donné qu'on peut vraiment, emprunter un peu tout ce dont on a besoin. Puis quand on veut se doter de ces outils-là, ben déjà, ça demande un grand espace d'entreposage. Puis on sait qu'il y a pratiquement un outil pour chaque usage. Hein, on se ramasse avec vraiment beaucoup d'outils là, quand on se met à les acheter. Donc, je trouve que c'est vraiment une idée géniale parce que ça nous permet de mettre en commun des choses dont on ne sert pas nécessairement souvent. Là. C'est, puis il y a la raison écologique derrière bien ça. Sûr. Est-ce que, Maxence, parmi votre clientèle espérée, là, parce que vous êtes quand même en lancement, en construction, est-ce que c'est des gens qui ont plutôt la fibre écologiste, justement, parce que si ce n'est que c'est pas toujours une question d'argent, hein, c'est que c'est en fonction de nos valeurs. Si, comme Dominique le disait si bien, j'ai besoin d'un outil pour une particularité, pourquoi me rendre au centre d'achat puis l'acheter, puis le faire dormir puis en poussiérer pendant des années? C'est beaucoup plus écologiste et pour notre planète, bonjour, on te salue, c'est bien mieux. Puis souvent, on se retrouve avec des outils de meilleure qualité parce que quand on va acheter quelque chose pour une ou deux fois, des pinceaux, on va pas prendre des meilleurs, on va prendre des moins chers. Mais souvent, ils sont jetables, ceux-là, alors qu'on pourrait avoir de meilleurs outils qui durent plus longtemps. Et ça, c'est une vérité de la palisse, c'est beaucoup plus écologiste. Ben, en fait, le projet à la base est né d'un article scientifique traitant de la durée de vie des perceuses. Du fait qu'une perceuse, chacun en a une, on achète tous une quand on emménage. J'ai un tournevis, mais un bon tournevis, ça va. Un bon tournevis, ça va aussi, mais faire un trou, c'est plus dur. Ah, mais j'ai un truc, je vais vous le montrer, c'est pas compliqué. Avec un marteau, tu fais un trou. Et puis, tu prends une plus grosse vis, puis ça va très bien. Je l'ai fait dans le mur de J-Proc, avec des petites affaires de plastique que tu achètes pour une pièce. Et puis, toutes mes cartes sont solides, on pourrait se pendre après. Alors que j'ai pas eu besoin de perceuse pour faire mes trucs. Mais non, c'est ce qui fait qu'ultimement, une perceuse a une durée de vie normale de 20 ans. Puis l'article se rendait compte que les batteries mouraient beaucoup plus vite parce qu'elles n'étaient pas utilisées. Qu'une perceuse, dans une durée de vie de 20 ans, était utilisée quelque chose comme 5-6 heures. Mm-hmm. Puis qu'elle mourait sur une tablette sans être utilisé, tandis que on aurait pu juste avoir une perceuse pour 50 personnes, ça aurait été utilisé continuellement, puis ça aurait duré 20 ans. Intéressant. Puis moi, ce que je trouve fou, c'est je le disais tantôt, mais le nombre d'outils que ça prend pour faire un travail, le nombre d'outils différents. Chez nous, on a fait des travaux, on a abattu des cloisons, construit des cloisons, changé des fenêtres. On a trois perceuses, ça nous prenait trois types de perceuses différentes. Une perceuse visseuse qui est à batterie, qui va lentement. Une perceuse à percussion pour percer dans le béton. Puis une perceuse à fil, parce que ça, quand tu veux, quand il y a un fil, ben, c'est plus puissant. Donc, pour certains travaux, c'est nécessaire d'avoir ça. Donc, c'est fou. Il n'y a pas un outil qui fait tout. Donc, si on doit les acheter, je vais te passer mon marteau, Dominique. Un marteau en caoutchouc, un marteau en fer. Ça dépend à l'heure que tu travailles. Alors, merci beaucoup, Maxence Joseph. Merci. Donc, on économise notre 60 $ pour avoir de meilleurs outils et faire un geste écologique à l'avenue du Jour de la Terre, le 22 avril, d'ailleurs. Il y a souvent des activités sans achat qui sont organisées. Il faudrait vraiment vous associer à ces gens-là qui souhaitent échanger des outils, échanger des choses qui ne servent plus ou qui ont en double. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut? Moi, si j'ai des outils en double, comme là, si mon marteau, là, j'en ai pas besoin de trois marteaux à maison, surtout que ça sert de perceuse, je pourrais l'offrir un marteau perceur chez vous jeudi. Je vais aller vous voir, je vais vous donner mon marteau. Est-ce que ça va être accepté? Tout à fait. Dans le fond, on va l'entrer dans la bibliothèque, puis il sera disponible pour la communauté. Merci beaucoup, Maxence. Oui, un dernier mot. Le lancement, c'est où et à quelle heure, peut-être rappeler? C'est le 9 mars à la Patente, au 57 rue des Sables, à 17h30. Là, on amène notre verre là, pour boire. Y a-tu quelque chose à boire? Il va y avoir de la bière et un groupe de musique. Oui, bon, j'espère que ce sera la bière qui ne coule pas chez nous. Hein, on pourra peut-être demander aux gens de la Barberie ou une des 20 microbrasseries du Québec. Il y a des chances sur la Barberie. Ben, je vous le souhaite. Écoutez, enfin, ce soir, c'est le premier samedi qu'on a une bière coule pas chez nous. Alors, pour tous ceux qui sont contre le pipeline, rendez-vous à les microbrasseries près de chez vous. Il y en a plein à Québec. Là, je ne nommerai pas. On est assez cohérents. Qui nous payent de la pub, s'ils veulent qu'on en parle. Mais en tout cas, rendez-vous de microbrasserie pour coule pas chez nous. Après cette pause musicale, on parle des dettes du tiers-monde, n'est-ce pas, Étienne Blondeau? Oui. Obstacles stand in our way. Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. J'ai fait le rêve que le peuple s'élèvera dans mon rêve. Cette fille s'élèvera dans mon rêve. Une fille s'élèvera main dans la main. La mère s'élèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y'a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée. Et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies damnées de la terre, toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé, xénophobe éliminé, homophobe éliminé, antisémite et camite éliminé. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Je visite Farafina, depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi je quitte de Dakar, Bamako, Ndiamena, Dar et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas, tous les pays de l'Afrique sans visa. Même l'Europe élimine les visas, l'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon rêve, plus de guerre pour le pétrole, plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or. La guerre subit ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur, je ne suis pas l'utopique, le rêve est réel, l'utopie est le rêve. Yes, we can. I have a dream that one day my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yes, we can. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, One day right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream. Merci beaucoup. I have a dream. Vous avez reconnu la voix de Martin Luther King, j'imagine, et de Barack Obama. Je sais pas, il me passe des frissons quand j'entends ces voix-là de ce temps-ci avec ce qui se passe chez nos amis du Sud. Et j'ai été voir le film au lendemain des Oscars. Je me demandais pourquoi Moonlight avait gagné. Puis, au-delà de toute la controverse que vous avez entendu parler, je voulais voir qu'est-ce que c'était que ce film-là, Moonlight, sans avoir lu dessus, sans savoir que c'était un film là, qui parlait de la vie de l'intérieur de certains noirs américains, afro-américains. Et j'étais touché. C'est vrai qu'on parle pas souvent de leurs problèmes ici même aux États-Unis, dans des quartiers. On fait des films qui parlent des Mexicains qui traversent les frontières, qui gagnent des Oscars. On fait des films. Mais rarement, un film d'intérieur comme ça. Comment un jeune qui grandit peu à peu ici en Amérique avec des origines africaines. Donc, c'est bien sûr... Yes, we can. Barack Obama, il a pas réussi à éliminer les dettes des pays africains, des pays du tiers-monde. Non, moi je me rends compte qu'en fait le sujet correspond assez bien à l'esprit des thèmes dont on a parlé précédemment. D'abord l'entraide, hein, avec cette idée-là du partage des outils. Le film que tu mentionnes, là, cette idée-là d'essayer de trouver... Des solutions pour peut-être les communautés qui ont le plus souffert à travers la planète. Et vraiment, pour les propositions... que j'ai vu là pour vraiment aider les pays du tiers-monde, vraiment la proposition qui devrait passer en premier là avant tout, je pense que c'est clairement l'annulation des dettes qui font que les pays les plus pauvres doivent payer, doivent prendre une portion de plus en plus grande parce que des dettes ça gonfle, là, ça a des intérêts. Donc doivent passer une plus grande portion à chaque année de leur budget juste pour faire un paiement sur leur dette. Alors, il n'y a pas d'école qui se construit. Sur l'intérêt de la dette, souvent, oui. C'est ça. Et un peu, c'est comme un tonneau des Danaïdes, là. Tu essaies de jeter de l'argent là-dedans, mais ça continue de grossir. Ça disparaît jamais, finalement. Et c'est jamais des ressources qui peuvent être dépensées pour régler les problèmes pressants. La santé, l'éducation et les infrastructures. Et moi, c'est vraiment un des sujets sur lesquels le mouvement ATTACT s'est bâti, là, l'abolition de ces dettes-là odieuses, oui. C'est le terme le plus utilisé. En souhaitant une taxe sur les transactions financières, entre autres, actions. C'est ça, vraiment, dans l'optique un peu plus tournée vers le sud là, de la planète, c'est vraiment l'abolition de ces dettes-là. Et aussi, j'ai mis beaucoup de liens sur notre blog, là, le blog de l'émission, vers des sites d'organismes qui se concentrent vraiment sur cette cause-là, comme par exemple le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, là, qui a un site excellent pour très bien expliquer la pratique d'annuler ces dettes-là et pour expliquer les dommages causés par ces mauvaises dettes-là. Ça, c'est un groupe fondé en Belgique en 1990. Ils ont des branches sur tous les continents. Ils connaissent très bien les conditions économiques des pays qui sont en grande difficulté économique. Et vraiment, ce qu'on dénonce ici, c'est l'ajustement structurel. C'est la méthode habituelle. Hein. On a des organismes internationaux comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui arrivent supposément pour aider hein, les pays les plus pauvres, qui ont du mal à boucler leur budget, on pourrait dire. Alors, ils ont besoin de fonds pour bâtir les écoles et tous les autres exemples que je donnais. Alors, ces organismes-là internationaux, le problème, c'est qu'ils fournissent l'argent en prêt. Donc, ça veut dire qu'il faut rembourser dans sa totalité plus des intérêts, ce qui est extrêmement difficile. Et en plus de ça, ça vient avec des programmes d'ajustement structurel. Alors, c'est un mot... d'austérité. C'est ça, c'est un mot très bureaucratique qui a l'air de rien vouloir dire, mais ce qui se cache derrière, ben c'est l'austérité. Hein? Vous avez souvent parlé, Étienne Blondeau, du cas de la Grèce. Et oui. On a déjà parlé aussi même de l'Italie, de certains pays. L'Argentine, tout le monde se souvient de ces catastrophes créées pas nécessairement par leurs propres politiciens. Ben c'est ça, c'est tout le concept de la dette odieuse, là, parce que vraiment, comment on départage un pays très riche comme par exemple les États-Unis ou le Japon? Ils ont une dette publique élevée, mais ça, c'est des pays très développés. Et comment on différencie ça des dettes odieuses, qui est le terme utilisé dans les organismes que je mentionnais? C'est des dettes qui sont contractées contre les intérêts de la population, ou bien qui sont contractés par une dictature. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont connu des dictatures. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment besoin, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ces prêts-là pour être investis dans quoi? La richesse d'un potentat, ou des forces policières qui réprimaient le peuple, ou des dépenses militaires énormes, le copinage, le népotisme, vous imaginez déjà tous les exemples. Bon, je pense ça se compare pas nécessairement avec le cas italien ou grec, mais même dans le cas italien et grec, on peut dire qu'il y a des bavures dans les dépenses ou les pratiques des gouvernements. Alors pourquoi arriver du moment qu'il y a des changements de régime, hein, qu'on passe à qu'il y a des alternances, qu'on passe peut-être plus vers des gouvernements plus démocratiques ou plus progressistes, pourquoi est-ce qu'ils devraient se retrouver avec les mêmes dettes, hein, qui non seulement sont les dettes faites par leurs prédécesseurs, pas toujours très aguichants, mais que ces dettes-là ont grossi pendant des décennies. Il y a quelque chose de fondamentalement injuste. Et je crois que les économies de ces pays-là peuvent pas décoller avec cette espèce de boulet-là. Hein? Ce boulet-là, après leur jambe, les empêcherait de faire décoller des industries ou des infrastructures. Fait que c'est vraiment la première étape. Ça règle pas tout. Hein? Il reste des problèmes très concrets en santé et éducation, comme je mentionnais. Mais on peut pas commencer le travail avant d'effacer l'ardoise. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que d'autres? Celles qu'on nous impose au FMI et à la Banque mondiale? Ben, faut être très clair. Moi, je lisais justement la réponse officielle du Fonds monétaire international sur cette idée-là d'annuler les dettes, et il disait que c'était pas une panacée parce que les pays auraient besoin d'investissements. T'sais, du moment qu'ils repartent à zéro, ils auraient besoin de nouveaux investissements pour faire leurs infrastructures, leurs dépenses. Mais là, c'est là que ça joint bien, je pense, à l'idée de création monétaire, là, du moment qu'on efface les dettes et qu'on part un peu à neuf, là, on pourrait dire, ben oui. Eh bien, les pays intéressés pourraient simplement investir en créant leur propre monnaie, mais pour ça, il faut sortir de carcans très contraignants, comme par exemple l'euro dans le cas de la Grèce, ou le franc africain pour beaucoup de pays en Afrique. Parce que ce qui est un peu fou aussi avec les programmes d'ajustement structurel, c'est que ça fait en sorte que les pays sont obligés de liquider, de privatiser des services publics comme l'éducation, la santé, oui. Qui sont achetés à rabais par les mêmes personnes qui sont les créanciers du pays. Donc, les créanciers du pays achètent à rabais des services publics avec lesquels ils vont faire de l'argent par la suite, et ils se font payer l'argent qui a servi à acheter ces services publics-là. Leur est retourné, en fait, parce que ce sont eux les créanciers du pays. Donc, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Là, c'est vraiment une arnaque. Ouais, c'est déplorable. C'est de la prédation. Mm-hmm. Oui. Et est-ce que donc c'est une façon, histoire de faire une boucle avec Claude Vaillancourt qui était avec nous en début d'émission, c'est une façon de droitiser les pays endettés? Oui, c'est une façon d'imposer des politiques de droite sans passer par la politique. On reste dans l'économie et dans le financement. C'était notre gros grain de sable de ce jour. Merci beaucoup, Dominique Bernier et Étienne Blondeau. Et c'était une grosse émission, toutes les deux assis à un côté de l'autre, avec Claude Vaillancourt au téléphone. Merci, Claude, et merci à Maxence Joseph. Là, on se donne rendez-vous jeudi à La Patente. On amène nos outils pour être sûr qu'il y ait de plus d'outils possibles à La Patente. Merci. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le dimanche en 5 à 7, montez à bord de Racines Musicales, commandé par des amoureux du reggae. Bigou et Selecta Jalabaman. Quand j'entends le rythme, ce rythme qui existe, le tambour qui fait boum et bam, qui bat dans l'harmonie. Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. C'est KRL 89.1. L'Allegra termine sa course folle ce week-end.